L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour l'émission de rentrée. Oui, c'est le mois de septembre, il est temps de nous projeter pour les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois, avec de nombreuses actualités pour vous sortir et vous divertir. Tout cela avec des propositions artistiques et culturelles. Aujourd'hui, l'apostrophe l'émission a pour invité Olivier Coudert, directeur du Théâtre du Cristal, Pôle ressources, arts et handicap. On évoquera avec lui tout particulièrement un événement qui va se fêter sur l'ensemble du département du Val-d'Oise, Viva la Vidarse. Bonjour Olivier Coudert. Bonjour. Élodie Segui, metteur en scène, je ne sais pas si on peut mettre au féminin, elle va nous le dire, du spectacle Le Yark. Vous êtes artiste référente animant le cours d'art dramatique pour adolescents à l'apostrophe également. Bonjour. Bonjour. On dit au féminin. Metteur en scène, ça me va. Ça vous va. Elsa Jourdain, attachée aux relations publiques à l'apostrophe. Bonjour Elsa. Bonjour. Et enfin, Gaëlle Jacqueline, participante au cours d'art dramatique qui était sur la saison dernière. Donc, elle nous fera un retour d'expérience. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Autre invité, c'est le premier qui interviendra dans cette émission, par insert téléphonique, c'est Jean-François Civadier, metteur en scène du spectacle La vie de Galilée. C'est dans un instant, c'est sur RGB, votre radio locale, sur le 99.2 FM. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Jean-François Civadier, nous parler d'un spectacle qui sera à l'affiche à l'apostrophe au Théâtre des Louvrais au mois d'octobre prochain. Les dates, les 2 et 4 octobre, 2, 3 et 4 octobre, voilà, pardon. Avec le spectacle La vie de Galilée de Bertolt Brecht. J'ai cru, parmi les notes de mise en scène que vous nous avez fait communiquer, que vous avez écrit la chose suivante: ce qui est au centre de la pièce, ce n'est pas Galilée, mais les questions que pose Galilée. Oui, c'est un peu ça. On voit au début de la pièce Galilée qui vient poser une question un peu vertigineuse, qui est: la Terre n'est plus le centre de l'univers, contrairement à ce qu'on pensait avant. Donc il dit qu'il n'y a plus de centre, il y a à la limite plus de sens, et il va inventer l'outil du doute, qui est un outil pour réinventer le monde, la nouvelle société, qui va naître de toutes ces questions qui vont embarrasser terriblement l'Église, puisqu'à partir du moment où la Terre n'est plus le centre de l'univers, ça veut dire que le pape n'est plus au centre de l'univers, et donc tout est relatif, et que voilà, la société va se trouver complètement bouleversée. À tel point, quand vous dites sa relation avec l'Église, c'est une période où l'Inquisition pour l'Église catholique lui fera même baisser les bras, renoncer à ses théories. Oui, c'est ça, je pense que la pièce... C'est un rapport à l'autorité. Oui, la grande question de la pièce, en fait, c'est la position de Galilée, qui est pris entre les intérêts du peuple pour lequel il veut travailler, il veut développer ses théories pour le rendre libre, et puis les intérêts du pouvoir avec qui il est toujours obligé de composer. Ce thème-là, en fait, c'est une question obsédante pour Brecht. Je pense que ça a parcouru toute son œuvre. C'est pour ça que je pense que c'est la plus belle pièce de Brecht, la plus importante, la plus universelle, la plus intemporelle, et qui définit le mieux son théâtre. C'est aussi sa dernière pièce, donc c'est presque un testament. C'est complètement autobiographique. Et ça parle effectivement de la responsabilité de l'artiste, de l'intellectuel, du scientifique face au pouvoir. Inventer un nouveau monde, en quelque sorte, pour Galilée, pour Brecht, c'était l'idée d'inventer un nouveau théâtre, changer le centre du théâtre. C'est là où on peut faire un parallèle entre Galilée et Brecht. Ah oui, le parallèle, il est constant dans la pièce. Il est même vertigineux. La mise en abîme entre le théâtre et la science. On peut remplacer le mot science dans la pièce par le mot théâtre, et ça fonctionne toujours. Et effectivement, comme Galilée décide de rendre la Terre libre, les hommes libres, Brecht invente le théâtre libre, c'est-à-dire comme exactement comme Galilée abolit la frontière entre la Terre et l'univers, Brecht abolit la frontière entre la scène et la salle. Hein. C'est-à-dire en même temps une réinvention du théâtre, mais ça c'est pas nouveau chez Brecht, hein. Mais il fait un parallèle très fort entre la révolution copernicienne et puis la révolution théâtrale que lui a défendu toute sa vie. Le récit, ce n'est pas simplement en fait la vie de Galilée, au-delà du titre, vous dites que cette pièce est une fable sur le jeu de la raison et de l'imagination, sur le vertige, vous insistez même. Oui, c'est une pièce de tous les vertiges, hein. Vertige philosophique, sociologique, physique même. C'est exactement comme si tout le monde était pris dans ce vertige, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus de centre nulle part, où tout peut être réenvisagé, tout est relatif, il va falloir que chacun trouve une position. Ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a aucun manichéisme dans la pièce, c'est-à-dire l'Église passe son temps à dire à Galilée « on est d'accord avec vous ». Mais simplement, il faut pas que le peuple le sache. Hein. Il faut pas que ça se sache. Voilà. Parce que sinon, ça va être la révolution tout de suite. Hein. Mmh. Donc, vous pouvez travailler, mais essayez de découvrir des choses qui ne mettent pas en péril le pouvoir que nous, on a réussi à installer et surtout le sens qu'on a réussi à donner au monde. Parce qu'évidemment, si jamais Dieu n'existe pas ou si le pape n'est pas au centre de l'univers, il va falloir réinventer un ordre du monde, que le monde soit vivable. Pour la partie écriture, vous décrivez le texte de Brecht comme une langue extrêmement charnelle, voire même lyrique. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, la première fois qu'on a lu cette pièce, on s'est dit que c'était extrêmement bavard, qu'on voyait surtout des gens converser intellectuellement, parler tout le temps. Voilà, on se disait qu'il y avait une chose à trouver pour que la pièce devienne totalement organique. Or, il y a une phrase qui est presque, symbolique dans la pièce, quand Galilée dit « penser est l'un des plus grands divertissements de l'espèce humaine ». Donc on s'est dit que c'était ça qu'on devait mettre au centre du plateau, la pensée, et trouver comment la pensée investissait les corps et que la pensée devenait une action extraordinaire. Si on pense que les gens ne sont pas en train de parler intellectuellement, mais d'échanger de la pensée, et que la pensée est extrêmement puissante, violente, drôle parfois, hein, alors ça devient absolument vertigineux. Et ce qui est magnifique dans le spectacle, dans la pièce, c'est que le public lui-même est convié à penser et à se rendre compte que la pensée au théâtre, ça peut être extrêmement jouissif, jubilatoire et très actif. Alors ce qui peut être aussi la paradoxale, parce que beaucoup sont un peu, réservés quand on parle du théâtre de Brecht, souvent décrit comme du théâtre intellectuel pour intellectuel. Vous dites justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit il y a un instant, pour moi la pensée au théâtre est une matière forte et pas intellectuelle, une pièce qui donne le vertige, là, en résonance encore une fois avec le propos et le récit de la vie de Galilée. Oui, il y a un énorme malentendu avec Brecht, mais je pense qu'il est vraiment en train de se dissiper depuis une dizaine d'années au moins. C'est l'histoire de la distanciation et d'imaginer que Brecht écrit un théâtre froid. C'est exactement le contraire qu'il fait en réalité. Il fait un théâtre que lui veut absolument populaire, qu'il soit organique, qu'il soit jouissif, qu'il soit drôle, qu'il soit vivant. C'est exactement. Donc il y a un malentendu. Je ne sais pas. Je pense que ça vient de la manière dont les premières pièces de Brecht en France ont été montées. Enfin, la première fois qu'on a monté Brecht et qu'on s'est imaginé que cette histoire de distanciation, de mettre les choses à distance, ça devait refroidir le plateau, le rendre intellectuel, cérébral. C'est exactement ce qui se passe, le contraire de ce qui se passe dans le théâtre de Brecht. Pour la partie mise en scène, votre parti pris, c'est 8 comédiens qui interprètent une trentaine de rôles, une pièce en deux parties avec entracte, 1h50 pour la première partie, 1h15 pour la seconde partie, pour avoir bien lu les notes. Pourquoi ce parti pris ? parce qu'on ne voulait pas chercher à faire une grande reconstitution historique. C'est pas ce que fait Brecht dans la pièce. C'est-à-dire qu'il montre vraiment énormément de scènes de coulisses. Il ne montre pas, par exemple, le procès de Galilée devant l'Inquisition. Il ne cherche pas à faire un tableau édifiant, une grande reconstitution historique, mais il cherche plutôt comment ça travaille en coulisses, dans les coulisses de l'histoire. Alors nous, tout simplement, on n'avait pas envie on n'avait pas les moyens non plus de prendre 35 personnes pour faire, y compris tous les petits rôles. Et on a essayé de dégager les grandes figures principales de la pièce et de voir comment, exactement comme on pourrait le faire pour Shakespeare, comment les acteurs font un petit moine, l'inquisiteur, le fiancé de la fille de Galilée. Enfin voilà, il y a aussi un vertige du changement de rôle pendant la représentation. Et je pense que voilà, c'est une façon de mettre aussi le public dans la confidence. On va essayer de faire ensemble, voilà, de montrer cette pièce, de s'amuser avec et de pas trop se prendre au sérieux pour pouvoir justement parler sérieusement des questions. Dernière chose, cette pièce, pour beaucoup, pourrait être en résonance avec les actualités de notre monde. On parle souvent de la fin du monde, de la fin d'un cycle, voire un autre monde à reconstruire. Est-ce que c'est un peu cette raison qui vous a amené à reproposer cette création que vous aviez réalisée au tout début des années 2000, je crois, en 2002, 140, plus de 140 représentations, ce gros succès? Pourquoi cette reproposition? Pourquoi remettre en scène cette pièce? Tout à fait. Il y a une actualité extraordinaire, je pense encore même plus forte qu'aujourd'hui politiquement. Mais déjà, quand on l'avait monté en 2001, je me souviens d'une femme qui était venue voir le spectacle, qui travaillait sur, je crois, les ondes électromagnétiques des portables, etc. Et elle nous avait dit, c'est incroyable, on est exactement aujourd'hui dans la même situation. C'est-à-dire, on n'a plus l'Inquisition. Mais nous, on a les industriels, et nous, les scientifiques, on est tenus au silence par les industriels. Elle disait, c'était exactement la même situation. Et aujourd'hui, je pense que la pièce est encore plus actuelle, aussi politiquement, c'est-à-dire quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec le gouvernement aujourd'hui, la position de Galilée dans la pièce, qui abandonne les intérêts du peuple pour s'accommoder de mieux en mieux avec le pouvoir. C'est ce que fait Brecht d'ailleurs à la fin de la pièce. Il accuse directement Galilée d'avoir abandonné les intérêts du peuple pour son intérêt personnel. Cette chose-là est d'une... Il y a des choses dans le texte qui résonnent aujourd'hui, mais d'une façon incroyablement percutante, quoi. Une motivation supplémentaire pour aller découvrir, voire redécouvrir cette pièce, avec une répétition publique qui sera proposée aux habitants de Cergy-Pontoise le 19 septembre prochain à 19h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise, puis donc trois représentations le jeudi 2 octobre 19h30, vendredi 3 octobre 20h30 et le samedi 4 octobre à 20h30, toujours à l'apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Un dernier mot, Jean-François Civadier, pour ceux qui seraient un peu récalcitrants pour se rendre au théâtre, pour découvrir votre pièce? Oui, je pense que c'est un spectacle magnifique, tout simplement, extrêmement réjouissant et qui donne une énergie très forte. Eh bien, c'est sur ces derniers mots qu'on vous quitte. Mille merci d'avoir été des nôtres et on va vous retrouver nécessairement donc dans les prochaines semaines sur Cergy-Pontoise. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Jean-François Civadier, donc pour la pièce La vie de Galilée, à voir à l'occasion de trois représentations, le jeudi 2 octobre 19h30, le vendredi 3 octobre 20h30, ainsi que le samedi 4 octobre 20h30. À l'apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise. Je vous rappelle également la répétition publique qui aura lieu pour ce spectacle le 19 septembre à 19h30. Et c'est ouvert aux amis de l'apostrophe et aux partenaires de l'éducation nationale. Venons-en à une petite proposition musicale qui nous est faite par un autre invité, qui va nous parler dans quelques instants, dans quelques minutes, d'un événement, Viva la Vida, Festival Art et Handicap, qui aura lieu dans le Val d'Oise à partir du 29 septembre et cela jusqu'au 18 octobre. Olivier Couder, proposition musicale, Robert Wyatt, Don Destan. Oui, parce que pour présenter un festival Arrêt Handicap, il me semblait judicieux de faire appel à quelqu'un qui a eu un accident, à la suite duquel il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Et ça prouve qu'il y a une vie après le handicap, puisque c'était un batteur. Faire de la batterie sans jambes, c'est compliqué. On voit là qu'il a pu évoluer vers le piano, le chant, et de façon tout à fait heureuse. Et juste pour dire, le Dandestan, ça raconte, alors j'ai pas les paroles sous les yeux, mais ça dit à peu près, la Palestine doit pouvoir se construire comme n'importe quel d'entre nous a besoin de se construire. Eh bien tiens, résonance avec d'autres actualités, là encore, musique. Palestine's a country, or at least used to be. Palestine's a country, or at least used to be. The Lachin refugee, Kurdistan similarly, needs something to build on, rather like the rest of us. Palestine's a country, or at least used to be. Palestine's a country, or at least used to be. The Lachin refugee. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. En effet, pour la suite de notre émission, à l'affiche avec un événement qui, je le précise, se déroulera du 29 septembre au 18 octobre sur l'ensemble du Val d'Oise avec des actualités passant par l'apostrophe à Cergy-Pontoise, la scène nationale de cette même agglomération et scène nationale, faut-il le rappeler, du Val d'Oise également. Olivier Coudert, directeur du Théâtre du Cristal, responsable du pôle art et handicap, je crois. Oui, voilà, il s'agit de ça, oui. Bonjour. Bonjour. Avec un événement, Festival Art et Handicap, plus communément appelé Viva la Vida. C'est la deuxième édition qui s'appuie sur l'expérience d'une première édition. Oui. Comment s'était passée cette première édition ? Ah, c'était un moment de bonheur quand même, hein, parce qu'on a vu qu'il y a une très très grande diversité de formes. C'est pas facile de présenter un festival comme celui-là parce que le handicap attire tout de suite la compassion, la pitié, l'impression qu'on va faire une bonne œuvre, alors qu'on se fait surtout du bien à soi à avoir des formes aussi étonnantes et encore une fois d'une diversité incroyable. Quelle est l'ambition, s'il y a une ambition pour ce festival ? C'est vraiment de faire découvrir toute cette germination de la création contemporaine. Je voudrais juste raconter une toute petite histoire. Dans les années 50, quand Dubuffet s'intéresse à l'art brut avec quelques happy few comme André Breton, et puis la Racine que personne ne connaît, tout le monde s'en fout à l'époque, hein. Les gens trouvent que c'est pas intéressant. Il faudra que Dubuffet aille à Lausanne pour trouver une ville, parce qu'aucune ville française ne veut de son musée d'art brut. On a l'impression que les gens ne savent pas peindre. C'est a posteriori qu'on s'est rendu compte de tout l'intérêt de la richesse. Alors il est en train de se passer la même chose pour le spectacle vivant, à savoir que dans la musique, dans le théâtre, dans la danse, on a des formes extrêmement intéressantes et qui ne sont pas encore repérées. Donc c'est le moment où ça naît. Je peux témoigner du fait que pour m'être baladé un peu partout dans le monde, ça existe partout, au Japon, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Russie. Il n'y a pratiquement pas un pays du monde où il n'y ait pas quelque chose qui se mette en place. On est allé à Istanbul en se disant, bon, ben, on va amener la bonne parole dans ce pays qui n'a sûrement pas encore eu l'occasion de rencontrer l'art et l'handicap. Le soir même, on était invité à un spectacle de danse art et handicap. Donc voilà, je crois que maintenant, c'est vraiment quelque chose d'incontournable et qui a un véritable intérêt artistique. Avec une programmation pour cette deuxième édition, justement, qui a cette dimension internationale. Voilà, la première édition, effectivement, on était, bon, fallait arriver à se repérer un petit peu. Là, maintenant, on a pu étendre ça à Moscou, justement, c'était à l'occasion d'une rencontre. On était invité à un colloque là-bas. On a rencontré une compagnie russe qui est tout à fait passionnante. Et puis, l'Angleterre, avec la danse, ils sont vraiment leaders là-dessus. Avec également l'idée que art et handicap, c'est pas le domaine exclusivement réservé de ceux qui ont un handicap. C'est pas deux mondes qui s'opposent avec des propositions pour les uns et des propositions artistiques pour les autres, c'est pour l'ensemble des publics. Alors effectivement, oui, de même que l'art brut ne s'adresse pas aux personnes handicapées, c'est un art universel, de la même façon, ces propositions sont jouées pour certaines par des personnes handicapées, d'autres c'est simplement parce que ça parle du handicap, comme le premier spectacle Rendez-vous Gare de l'Est. Et y compris pour les publics, je voulais dire et aussi. Ça s'adresse bien évidemment à tous les publics également. En espérant que plus il y aura une diversité sur le plateau et dans la salle et dans la société, et à mon avis, mieux on sera les uns et les autres. Parmi les propositions, on parlait effectivement d'extrême diversité, danse, cirque, théâtre, 9 spectacles pluridisciplinaires à l'affiche et à la programmation de cette édition, 3 films également, avec aussi parmi les nouveautés pour cette deuxième édition, la participation de plusieurs bibliothèques et cinémas justement. Absolument, ça c'est tout à fait heureux le fait que des bibliothèques et des cinémas aient commencé à nous rejoindre. C'est le début, hein. Je pense que dans 2 ans il y en aura encore beaucoup plus, enfin j'espère. Mais en tout cas, ce qui est intéressant c'est que les gens nous disent, ben oui, on est des lieux de mixité sociale, il n'y en a pas tant que ça, mais ils s'en inventent autour des bibliothèques, des cinémas. Donc voilà, les choses se développent et c'est à la fois des occasions de rencontre et des occasions de s'intéresser. Là je pense au cinéma par exemple, il y a un film tout à fait extraordinaire, National 7, qui pose la question qu'on voit partout posée dans les journaux de l'assistance sexuelle. Mais d'une façon bien évidemment qui est, alors là pour le coup, autour d'une fiction très très bien chevillée. Ouverture de ce festival le 29 septembre prochain avec une ouverture en 2 temps. Premier temps 18h30, inauguration des nouveaux locaux du Théâtre du Cristal que vous dirigez et du pôle art et handicap situé sur la commune d'Éragny-sur-Oise dans le Val d'Oise. On vous invite chez nous pour le coup, voilà tout à fait, parce que ben pour nous c'était une idée qui nous tenait à cœur quand même, ce pôle art et handicap, en se disant il s'agit de, sur le département du Val d'Oise, faciliter l'accès à l'art, à la culture des personnes handicapées. Le conseil général nous y a fortement aidé et ben voilà, je retourne j'étais un petit peu en avance, j'ai pu aller dans les magasins qu'il faut pour chercher des vins à la hauteur de l'événement. Deuxième temps pour marquer cette ouverture, un spectacle qui lui sera à l'affiche au théâtre de l'usine dans le voisinage, grosso modo, puisque c'est sur la même commune d'Éragny-sur-Oise, Rendez-vous Gare de l'Est. Un spectacle qui, justement, est assez emblématique de l'esprit ou de l'état d'esprit que vous souhaitez faire passer au travers de ce festival Art et Handicap. Oui, c'est très touchant. Cette fin. Alors, il paraît que ça fait un tabac à Avignon, ça ne m'étonne pas. Tout commence normalement, et puis il y a un petit décalage qui commence à se créer dans la parole, et on se rend compte que cette femme lutte pour survivre, en fait, psychiquement. Et on voit combien elle peut nous ressembler sur certains points, combien on peut être dans cet effort, parfois, pour se maintenir vivant. Une femme de 30 ans, l'histoire dans le récit, c'est ça, une trentaine d'années, en tout cas. Et le Rendez-vous Gare de l'Est, c'est parce qu'elle a rencontré l'auteur du spectacle, Gare de l'Est, hein, dans un café, où elle lui racontait tout son effort, justement, autour de rester vivante, rester, d'une part, en bonne santé, et puis arriver à garder un contact avec la réalité. un spectacle sur un texte de Guillaume Vincent, puisqu'on citait l'auteur, et de la compagnie Midi Minuit pour ce spectacle d'ouverture de ce festival Art et Handicap, avec un détour aussi par l'apostrophe, puisque vous intervenez aujourd'hui dans le cadre de l'émission L'apostrophe, l'émission. Alors un rendez-vous, voire plus que cela, puisque je crois qu'il y a à la fois des rencontres professionnelles qui vont être proposées dans le cadre de ce festival, un moment de débat et d'échange. C'est le mardi 7 octobre, toute la journée, de 9h30 à 17h, au Théâtre des Arts, à Cergy-Centre. Pourquoi ces rencontres professionnelles dans le cadre de ce festival? Alors, pour nous, elles étaient essentielles dans la mesure où, bon, il y a un aspect spectaculaire et aussi c'est l'occasion pour nous de poser concrètement la question de l'accès à l'art et à la culture des personnes handicapées du département. Donc, ils sont conviés à la fois les établissements culturels, tout le public qui souhaite s'intéresser à ces questions-là, et les établissements médico-sociaux, de façon à voir concrètement comment on peut mettre les choses en œuvre pour que demain, on n'ait pas ces gens qui, malheureusement, aimeraient bien pouvoir aller au spectacle, mais en sont privés parce que, simplement, les choses ne sont pas organisées et ne sont pas prises en compte suffisamment pour qu'elles puissent y avoir accès normalement. Un spectacle à voir également à l'apostrophe, toujours au même endroit, ce Théâtre des Arts à Cergy-Centre. C'est un spectacle où il est question aussi, c'est une pièce consacrée aux chanteurs, là en l'occurrence aux chanteuses d'exception, comme c'est le cas pour La Calas. Eh bien, il y a un spectacle qui va rendre à sa manière un hommage à Judy Garland. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Raymond Hogg, donc, qui est le personnage principal et qui a mis en place cette chorégraphie, était le dramaturge de Pina Bausch. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de références dans le domaine de la danse. Un grand performeur. Voilà. Et qui est par ailleurs bossu, donc qui a vraiment une déformité physique. Je pense que l'intérêt de tous ces spectacles, c'est que d'un seul coup, le handicap cesse d'être une gêne dans la vie, mais devient l'argument à partir duquel se construit un spectacle, se construit une démarche artistique. Autre rendez-vous à nous suggérer, vous n'allez pas pouvoir passer tout en revue. Alors, si je ne peux pas tout, je prends mes petits chéris. Est-ce qu'il y a des petites perles encore? Oui, il y en a une extraordinaire, c'est Stop Gap Company qui passe au Théâtre des Arts. Je suis vraiment heureux parce que je n'arrêtais pas de dire dans les réunions de programmation, mais vraiment, il faut les programmer, ces gens-là. Merci beaucoup à Jean-Christophe Taillé qui a été regardé sur Internet et qui a dit « bon, ça a l'air pas mal, d'accord, je vais le prendre ». C'est vraiment l'un des plus grands chocs que j'ai eu dans les 5 dernières années. C'était au festival à Séville, on était invité, notre compagnie, pour jouer là-bas. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort. Il y a le spectacle que j'ai vu, il y avait donc 4 danseurs, 2 danseurs non handicapés, un trisomique et une personne en fauteuil. Et c'est la fois où j'ai vraiment eu le plus l'impression que le fauteuil roulant devenait un accessoire chorégraphique. Mmh. C'est-à-dire que ça racontait tellement quelque chose au niveau de ce corps qui cherchait à s'extraire du fauteuil, à jouer avec l'espace, que d'un seul coup, la démarche artistique, à la fois c'était poignant, parce qu'on voyait bien le terrible drame de cette pesanteur d'être cloué au fauteuil, et cette espèce de façon d'essayer de se redresser nous renvoyait, je pense, à tout ce qu'on peut ressentir quand on essaie de se dresser dans la vie, qu'on a du mal à le faire. Mmh. On évoquera aussi sur notre antenne dans les prochains jours un spectacle proposé par la compagnie Rayon d'écrit, que vous connaissez, Au-delà du silence. Là, il est question de rencontre entre deux mondes, celui de la parole et celui de la langue des signes. C'est aussi l'idée, en lien avec ce festival Art et Handicap, c'est permettre justement d'abattre un peu les barrières entre les mondes du handicap d'un côté et de ceux qui seraient dit valide. Tout à fait. Je crois que ça demande à faire tout un tas d'attention à ce genre de choses. Par exemple, les rencontres professionnelles, elles seront traduites en langue des signes. Dernière chose, je vous ai présenté comme directeur du Théâtre du Cristal, du Cristal a une proposition dans le cadre de cette programmation. C'est terrible. Je pense à vous. C'est gentil, merci beaucoup. Donc effectivement, nous jouons au Théâtre du Cormier à Cormeil-en-Parisis. C'est donc pourtant c'est marqué en gros, on s'est demandé pendant plein de fois qu'on allait faire, 5 octobre à 16h. Un spectacle de clown qui commence à... C'est des textes de Guy Foissy, Vue du banc. Et ce personnage, Vue du banc, se pose toute la question d'aller vers l'autre, pas aller vers l'autre, communiquer. Donc c'était en affinité assez forte avec les comédiens en situation de handicap avec qui nous travaillons. Le personnage principal, c'est Éric Morin, qui est clown et qui travaille avec nous depuis très longtemps. Les clowns étant un peu les prolongements imaginaires de ce personnage et représentent différentes parties, fantasmes de ce personnage. Voilà. C'est noté. Sur le plan pratique aussi, il y a un service que vous vous mettez en place à cette occasion, car on sait que c'est un frein à l'accès à la culture pour beaucoup, et encore plus quand on a un handicap. Service gratuit de navette à toutes les dates du festival pour toutes les personnes en situation de handicap. Faut-il en faire la demande quand même au départ ? Oui, tout à fait. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Jean-Joël Le Chaplin, lui aussi, est très militant et très concerné par ça. Et d'emblée, on s'est dit, au moins sur un moment limité de temps, sur toutes les dates du festival, tout le monde doit pouvoir être accompagné. Donc il suffit d'appeler chez nous directement. Et le 01 30 37 87 47, j'ai noté. Merci beaucoup. 01 30 37 87 47 ou par mail, car on peut aussi plus facilement envoyer un petit message par internet à contact@theatreducristal.fr. On vient vous chercher et on vous raccompagne chez vous après le spectacle. Voilà, merci Olivier Couder. On rappelle les dates de ce festival Art et Handicap Viva la Vida du 29 septembre au 18 octobre sur l'ensemble du Val d'Oise, avec un détour plus que cela par l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy pour les deux événements qui vont participer de cet événement. Une proposition musicale qui va nous être proposée sans plus tarder par Élodie Segui. On va dire en lien indirect, un univers musical qui est celui de la personne qui est en charge de la création sonore de votre spectacle, dont on va parler, Emmanuel Destremau. Tout à fait, qui a un groupe de rock qui s'appelle Rupert Pupkin. Et donc, c'est partenaire de ma compagnie avec qui je travaille régulièrement. Et donc, elle fait la création sonore du Yark. Et là, c'est un de ses morceaux de son groupe. Voilà. Petit détour par cette musique et on vous retrouve tout juste après pour parler du spectacle Le Yark d'après Bertrand Santini. Thank you. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, le YARC, d'après Bertrand Santini, du théâtre pour jeunes publics et public finalement qui n'a pas d'âge, autrement dit qui reste jeune pour toujours, parce que je crois que ce spectacle a été aussi présenté pour plus directement des adultes. Pour parler de ce spectacle à l'affiche, à l'apostrophe, le spectacle Le YARC d'après Bertrand Santini, notre invitée Élodie Segui, qui est metteur en scène de ce spectacle, du théâtre pour jeunes publics, dit-on à partir de 4 ans, mais j'ai pu voir que ce spectacle a déjà été présenté pour adultes, donc finalement c'est vraiment pour tout public. Le YARC, eh bien, c'est l'auteur Bertrand Santini qui dit la chose suivante. Parmi tous les types de monstres qui grouillent sur la Terre, l'homme est l'espèce la plus répandue. Ça, c'est une vérité qui se confirme jour après jour, oserais-je rajouter moi-même. Il en est une autre, cependant, plus rare et moins connue, c'est le YARC, nous dit l'auteur Bertrand Santini. Voilà. Alors, pourquoi nous faire rencontrer ce monstre parmi les monstres, Élodie Segui? La phrase que vous venez de lire, c'est la première phrase du texte. Et vous avez pu vous rendre compte de la qualité absolument extraordinaire de l'écriture, qui est un texte magnifiquement bien écrit, très truculent. Je ne voulais pas à la base monter un spectacle pour enfants. Je cherchais un texte à monter. Ayant des enfants, j'ai trouvé ce texte en librairie. Donc je leur ai lu le soir et tous les jours, ils me disaient « Est-ce qu'on pourrait relire le YARC ?» Je disais « Non, écoute, on va peut-être passer à autre chose. » Et on a lu le YARC, je pense, pendant 6 mois. Et puis, je me suis dit, si mes enfants aiment ça, les autres devraient normalement aimer ça. Donc, en fait, on l'a pas déjà joué pour des adultes. Je me permets... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des maquettes. C'est-à-dire qu'en fait, je fonctionne souvent comme ça. Je crée le spectacle en plusieurs étapes. Et la première étape, c'était une maquette. Où, effectivement, on a eu beaucoup de tout jeunes, mais on a eu aussi toutes sortes de publics. Mais c'est pas du tout la même mise en scène que ce qu'on va présenter à l'apostrophe. C'était vraiment une première étape de travail. Et effectivement, on s'est rendu compte que cette histoire qui avait différents niveaux de lecture, que pour des enfants, ça leur parle du monstre, mais ça leur parle aussi de leur peur de la dévoration. C'est très proche de leur cauchemar, de tout ça. Et que pour les adultes, ça résonne complètement autrement. Et j'étais très troublée, moi, parce que je n'avais pas envisagé à ce point-là, que ça fait... Pour les adultes, ça fait vraiment référence au monstre qui est en eux et le combat qu'ils ont à mener en permanence entre leur joli instinct d'amour et leur terrible instinct de dévoration et de domination. Deux mondes qui s'opposent généralement, ça on connaît tous un peu ces réalités. Même ceux qui ne se déclarent jamais monstrueux, il nous arrive effectivement de connaître les deux tempéraments, à la fois l'amour, la fraternité, mais aussi par moments des relents parmi les plus monstrueux possibles qui sommeillent en nous. Tout à fait. Et effectivement, ça nous a semblé intéressant de le monter, de ne pas l'adapter. C'est-à-dire que le texte est très, très beau. Il a vraiment cette puissance-là, c'est-à-dire cette puissance de parler de ces deux instincts qui se battent en permanence et que la seule solution pour transcender cette nature, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'aller dans une rencontre. Et c'est l'histoire de ce monstre. En fait, c'est un monstre qui est affamé, qui a très faim, qui ne peut manger que des enfants sages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un monstre... Sage de sage préférence. C'est que vraiment, son estomac ne digère que les enfants sages. Et donc, le problème, c'est que des enfants sages, il y en a de moins en moins, parce qu'ils regardent beaucoup de conneries à la télévision, des obscénités sur Internet, et des pubs malfaisantes pour plein de marques que je ne citerai pas. Donc, leur esprit et leur chair... sont gâtés et donc ils cherchent des enfants purs. Il n'y en a plus beaucoup, donc il se dit « Ah, la liste du Père Noël ». Donc il part voler la liste du Père Noël et en fait, il a toute une péripétie comme ça. Et en fait, les enfants sages ne se révèlent pas aussi sages qu'ils sont, voilà. Et il tombe, après toutes ces mésaventures de désespoir, de faim, près d'un phare abandonné, et il rencontre une petite fille abandonnée. Qui vit là, toute seule. Madeleine. Madeleine, tout à fait. La charmante Madeleine. Voilà, exactement. Et, elle, tout d'un coup, elle le regarde autrement. C'est-à-dire qu'elle se dit, elle le trouve beau. Alors, il est très surpris. Il dit, mais comment, d'habitude, les humains me trouvent laid. Pourquoi, toi, tu me trouves beau? Et à ce moment-là, elle répond que les humains n'ont pas beaucoup d'imagination. Et elle, de toute façon, elle est toute seule. Elle a un tel besoin d'amour, elle a un tel besoin de rencontre, qu'elle se met à s'occuper de ce Yark. Et donc, il se noue une amitié entre cette petite fille et ce monstre. Et puis, du coup, bon, il est quand même affamé, donc il lui arrive plein de péripéties. Il essaye de manger les enfants, mais au bout d'un moment, en fait, il part en Afrique. Alors, il rencontre des petits Africains beaucoup plus costauds que sa charmante Madeleine. Et pourtant, dans le visage des petits Africains, il voit le visage de Madeleine. Alors, il part en Chine. Il se dit, bon, alors, je vais manger des petits Chinois. Et puis, dans le visage des petits Chinois, il voit le visage de Madeleine. Puis, il fait le tour du monde. Et chaque fois qu'il arrive dans un pays, il voit le visage de Madeleine dans le visage de tous les enfants. Et du coup, il refuse, voilà, il transcende sa nature de monstre et il décide de manger, je ne sais pas, végétarien. Ça devient un monstre végétarien. Alors, là, je vous livre un petit peu toute l'histoire. C'est peut-être pas une très bonne idée. Non, on ne dira pas tout, on va ménager du suspense tout de même. Si ce n'est que la scène, dites-vous, est ici semblable à l'atelier du sculpteur. Mmh. C'est un théâtre où ce qui est dit est montré dans son immédiateté. De la parole émerge la matière. Et là, de la matière, ça ne va pas manquer sur scène. Des matériaux simples et organiques. De quoi s'agit-il ? Alors, on travaille avec de l'argile, de la farine, du café, de la mousse à raser, plein de matériaux comme ça organiques. Et donc, on s'est inspiré de quelqu'un d'ailleurs qui est, je crois que l'apostrophe a accueilli, qui s'appelle Olivier Sagazan. Qui est un performeur et un peintre pour lequel j'ai moi énormément d'admiration et je ne me lasse pas de m'inspirer de son travail. Donc je le dis très, voilà, on s'est vraiment inspiré de lui. Et Olivier Sagazan a une performance qui s'appelle La demeure du chaos, qui est une très très belle performance que je vous invite à regarder si vous pouvez sur Internet, sur YouTube, il y a cette performance. Et donc au départ il arrive dans une galerie d'art très très beau, avec une petite barbe de 3 jours, très bien habillé et tout, et il travaille sur la déconstruction de la figure humaine. Donc c'est-à-dire qu'en fait il se recouvre de glaise, de chanvre, et il travaille là-dessus. Et donc nous on s'est inspiré vraiment de ça, c'est-à-dire qu'on n'y a pas du tout d'adaptation du texte, c'est-à-dire qu'on n'a pas... on n'a pas modifié le texte, on a pris le texte tel qu'il est. Et donc, on passe vraiment de la narration à l'incarnation des personnages. Et notre façon de passer de la narration à l'incarnation des personnages, c'est de se fabriquer ces visages de monstres qui évoluent au fur et à mesure. Donc, une transformation à vue. Voilà, tout est fait à vue. Le son est fait à vue aussi. Voilà, ça vient vraiment du plateau, quoi. Et voilà. 3 acteurs pour interpréter les 15 personnages du récit, et ce qui signifie, comme vous venez de l'indiquer, de multiples transformations et évolutions des personnages. Et tout ça à la vue des spectateurs. Tout à fait. On passe de la narration à l'incarnation des personnages. Et ça se passe, les enfants, ils sont pas du tout, ils acceptent le code très très rapidement. Ils sont pas du tout heurtés par ça, parce qu'effectivement, par exemple, Baptiste Raillard qui interprète tous les petits garçons, en moins de 5 minutes, il passe de Jack, par exemple, à son frère Lewis. Et ça, c'est fait à vue. Il prend un peu de pigment orange, il met du pigment orange dans ses cheveux. Puis après, il va se mettre à un autre endroit. Il se rajoute peut-être du chanvre pour faire des cheveux plus longs ou quelque chose comme ça. Et il devient tout de suite le deuxième frère. Et les enfants acceptent complètement, parce qu'en fait, les enfants, ils font ça toute la journée. Donc ça ne les choque pas du tout, ils sont tout à fait habitués. Nous inviter effectivement, petits et grands, parce que les parents peuvent les accompagner, à mieux appréhender la complexité de notre humanité, comme quoi les choses ne vont pas aussi simplement et aussi directement. Il faut passer par les méandres de la vie, avec ces oppositions qui nous agitent les uns les autres, et cela dès le plus jeune âge, en effet, entre le monstre qui sommeille en chacun de nous et avec l'image fraternelle qu'on voudrait de ce monde, eh bien... Vous allez découvrir et partir à la rencontre de ce spectacle, le Yark, pour une série de représentations les 14, 16 et 17 octobre à 10h et 14h30, le mercredi 15 octobre 10 et 15h, le samedi 18 octobre 17h et enfin le dimanche 19 octobre à 16h. L'ensemble des représentations étant présentées à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Il y a d'ailleurs à ce propos une répétition publique le 30 30 septembre qui aura lieu à 19h30 au même endroit, Théâtre des Arts à Cergy Centre, entrée libre sur réservation. Et j'ai lu dans les petites informations pour... Je sens que le côté monstrueux, il faut aussi veiller à ce que les enfants repartent tranquillement à la maison. Choco Théâtre à l'issue de la représentation du dimanche avec un goûter offert aux spectateurs. Voilà, tout à fait. Et alors, tous ces moments de rencontre, que ce soit la répétition publique ou que ce soit le Choco-Théâtre après les représentations, en fait, pour nous, c'est très important, pour l'équipe, c'est très important aussi de rencontrer le public. Et le processus de création, il se fait aussi, et il continue de se faire pendant les représentations. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, ils nous donnent beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'idées que moi, j'ai attrapées, que j'ai volées à mes fils ou à des copains de mes enfants ou à du public. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec leur univers, avec ce qu'ils sont. Et pour nous, c'est très important. Et je pense aussi que pour eux, c'est très important de rencontrer, effectivement, après les spectacles jeunes publics, c'est très important de rencontrer l'équipe pour se rendre compte de comment on fabrique, en fait, le théâtre, les spectacles. Et c'est des moments d'échange passionnants, je pense, et pour le public et pour l'équipe. Je vois aussi dans vos actualités à l'apostrophe des ateliers à partager en famille, parents-enfants, à l'issue des représentations du dimanche, justement, avec cela pour différents spectacles qui sont à l'affiche de la saison 2014-2015 à l'apostrophe, Hansel et Gretel, Aucun homme n'est une île et La constellation du chien. Voilà, on va reparler avec vous dans quelques instants des ateliers, des cours d'art dramatique en particulier pour les adolescents, car vous êtes aussi active sur le sujet dans cette grande maison qu'est l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. L'action culturelle. Cours d'art dramatique pour adolescents pour les 12-16 ans, des cours qui sont animés par Elodie Segui, qui collabore d'ailleurs à l'apostrophe depuis plusieurs années, et pour ces cours, je crois, depuis l'année 2013. Des cours qui s'adressent à tous les adolescents, qu'ils aient ou non une expérience théâtrale. Tout à fait. Alors, c'est des cours vraiment de pratique amateur, où on expérimente cette discipline qui est l'art dramatique, mais l'idée c'est de vraiment mettre en place une palette en fait d'outils à disposition des jeunes qui leur permet aussi bien une approche très ludique du théâtre, mais aussi une approche on va dire plus professionnelle et vraiment avec une connaissance des techniques et des outils du métier d'acteur. Voilà. Je voyais parmi les objectifs se découvrir et s'exprimer par le théâtre, car effectivement ça peut être l'occasion de révéler des talents. Oui, tout à fait, mais de toute façon les talents, ils sont, tout le monde a des talents. Oui, mais pas toujours, ça sommeille en nous. Oui, mais voilà, en fait, bon, tout le monde a, surtout l'idée, c'est de se découvrir, c'est de partir à la découverte de soi, c'est-à-dire de ne pas vouloir être le même que tous ses copains d'école ou de cours de récré, et de vraiment de partir à la découverte de soi, de ses particularités, de ses différences, des moments aussi où on peut douter, des choses qui sont plus difficiles à admettre. Et moi, je suis très arithmétique, très dyslexique aussi. C'est-à-dire que j'ai un grand problème de rythme. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi. Et je commence tous mes cours par un petit cercle où on se met tous ensemble et on fait des rythmes. Du coup, ils se rendent compte, les adolescents, qu'on peut être comédienne, metteur en scène, et avoir des endroits où on a des blocages. Et j'apprends d'abord, on commence toujours le cours, finalement, parce qu'ils sont assez doués dans cet exercice-là de rythme. Donc on commence toujours le cours par ce moment-là où finalement, c'est eux qui m'apprennent quelque chose. Donc du coup, ils sont très détendus. Et ensuite, on peut commencer à aller effectivement sur des exercices d'expression corporelle, d'écoute, des exercices d'énergie, de conscience de son corps dans l'espace, et voilà. Et puis après, on passe à un moment de travail vraiment de scène sur des textes qu'ils ont choisis, et j'essaye de qu'ils puissent travailler et un texte du répertoire classique et un texte du répertoire contemporain pour qu'ils aient vraiment une vue d'ensemble Ça se passe tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30. Mmh. C'est à l'Apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Est-ce à dire qu'ils vont aussi avoir l'occasion d'investir la scène? Car aussi, quand on s'initie au cours d'art dramatique, c'est aussi déjà se mettre un peu en condition. Tout à fait. Alors, le cours se passe dans la salle de répétition, qui est une très belle salle. Donc, c'est la vraie salle de répétition. On répète les équipes qui sont accueillies, les équipes professionnelles qui sont accueillies. Donc, on travaille tous les mercredis dans la salle de répétition des Louvrets. Et à la fin de l'année, on a une représentation à la scène nationale, voilà, sur le plateau du théâtre. Après le cours d'art dramatique pour adolescents, eh bien, les adultes ne sont pas en reste puisqu'il y a un cours également d'art dramatique qui leur est destiné. Et les adultes, quel que soit leur niveau, effectivement, dans l'action théâtrale. C'est donc Elsa Jourdain, s'attachait aux relations publiques à l'Apostrophe, qui va nous en parler, avec le témoignage également de Gaëlle Jacqueline, qui a participé au cours d'art dramatique dans les mêmes conditions, mais c'était la saison dernière. Alors, Elsa, peut-être nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a un objectif particulier pour cet atelier destiné aux adultes? Et quand ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, donc, comme vous disiez, le cours d'art dramatique est ouvert à tous les niveaux. Il est mené par Jean-Paul Rouvray, qui est un comédien et metteur en scène associé à la scène nationale depuis de nombreuses années. Il a lieu tous les lundis soirs de 19h à 22h, également en salle de répétition du Théâtre des Louvrets. Le premier cours est le lundi 22 septembre. Et il y a cours tous les lundis jusqu'au 1er juin 2015, sauf pendant les vacances scolaires. Voilà. Donc, cette année, comme vous disiez, en parlant d'objectifs, le cours a justement été un petit peu modifié et réinventé par nos soins afin de le mettre plus en lien avec la vie de la maison et notamment avec le comité de lecture. Donc, c'est-à-dire qu'au premier semestre, les participants travaillent plutôt sur la cohésion du groupe, l'improvisation, le travail au plateau, avec l'intervention d'un artiste associé à l'Apostrophe dans le cadre de la programmation. Et à partir du mois de janvier, ces mêmes comédiens amateurs travailleront sur le texte pris du public du comité de lecture qui sera élu par le public lors de la journée théâtre du présent du 29 novembre en vue d'une restitution à la fin de la saison. Donc l'objectif a un petit peu effectivement évolué, c'est un petit peu modifié cette année. Gaëlle Jacqueline, participante donc au cours d'art dramatique sur la saison précédente, peut-être l'occasion pour vous de témoigner. Est-ce que c'est un cours d'art dramatique? Est-ce que d'abord c'était la première fois que vous participiez à ce type de cours? Aviez-vous avant une expérience déjà théâtrale? Oui, pour ma part, j'avais pratiqué il y a quelques années du théâtre, mais ça faisait un petit temps que j'avais fait une pause, et donc là, ça a été avec vraiment beaucoup de plaisir que j'ai repris l'année dernière. Oui, avec Jean-Paul et tout un groupe dont il y avait des nouveaux participants également. Donc, c'était très agréable puisque le groupe s'est formé au fur et à mesure. C'est vrai qu'on se sent très vite entouré. Le travail qu'on mène à l'année, l'année dernière en tout cas, c'était beaucoup d'improvisation. On commence toujours par un petit temps d'échauffement corporel, notamment par exemple marcher en s'imaginant dans le froid, marchant dans le désert, en trébuchant, voilà. Essayer de réveiller le corps aussi en se faisant des images et en essayant de vivre sincèrement et tous vos sens, les situations, voilà. Et puis après, Jean-Paul, il accentue beaucoup le travail autour de l'intensification des émotions. Donc on va pouvoir faire en relais une chaîne pour exprimer les pleurs, le rire, la peur, voilà, de manière crescendo comme ça, pour vraiment nous permettre d'aller au-delà d'une première phase, nous inciter à pouvoir nous exprimer pleinement. Et puis aussi tout ce qui est construction de dialogue, d'abord par le regard, une présence sur scène, des phrases, et puis ensuite de l'improvisation. Donc on peut avoir, pour ce faire, il a différents recours, il peut nous proposer une musique qui va pouvoir peut-être générer une tension, dramatiser l'action, ou alors nous proposer à chacun une phrase pour enclencher un dialogue. Et puis, voilà. Et puis aussi d'autres contraintes, parce qu'on sait que c'est bien de la contrainte que naît la créativité, donc qui peut nous amener à nous donner un temps de parole à chacun, des échanges comme ça. Vraiment, et il nous incite à aller rechercher toujours, pourtant dans un monde, c'est pas l'idéal que je vise, mais justement le conflit, parce que pour l'improvisation, c'est ça qui me fait générer une tension et un dialogue. Mmh. Alors, juste pour vous, quelle était au départ la motivation de vous inscrire à un cours d'art dramatique à l'apostrophe ? Alors pour ma part, en fait, je suis arrivée récemment dans le Val-d'Oise et donc du coup, j'avais envie de m'inscrire avec des habitants de la région et partager un temps comme ça, en dehors de mon activité professionnelle, à retrouver des personnes, lier connaissances. Et c'est vrai que ça nous permet de vraiment nous retrouver, de partager des temps forts, forcément, lors des cours, mais aussi on a pu forcément se faire des petits dîners ensemble. Et puis, il faut savoir également, à l'instar, je crois aussi, des cours dramatiques pour les adolescents, c'est qu'on lit le faire et le voir. Donc, tout au long de l'année, on pratique, mais on est également abonné à l'apostrophe. Et donc, on va voir des spectacles. Chacun, là on le faisait de manière individuelle, mais bien souvent on se retrouvait ensemble lors des sorties au spectacle et on pouvait échanger voilà, sur ce que nous avions vu. D'où l'utilité de porter le regard sur le travail des autres également, parce que ça se nourrit, vous vous nourrissez de la pratique des autres, professionnels en l'occurrence, dans le cadre de la programmation de l'institution qu'est l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise. Elsa Jourdain, elle voulait rajouter quelque chose sur ces ateliers ? Oui, bah c'est tout à fait par rapport à ce que vient de dire Gaëlle et concernant la confrontation aux œuvres sur le plateau qui va vraiment de pair avec une pratique amateur. Et cette année, c'est aussi un petit peu particulier. Habituellement, on laisse libre l'abonnement 5 spectacles. Alors que cette année, avec Jean-Paul Rouvray, donc le metteur en scène qui dirige l'atelier, on a décidé de flécher le parcours de spectateurs autour de 3 spectacles. Donc le premier est justement, on en parlait tout à l'heure, La vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène par Jean-François Sivadier. Donc c'est le spectacle qui ouvre la saison début octobre. Le deuxième spectacle proposé dans le cadre de ce parcours est La journée théâtre du présent en lien avec le comité de lecture dont je parlais tout à l'heure, donc le 29 novembre 2014. Et le dernier spectacle proposé, le troisième, est le spectacle, la dernière création de la compagnie Les Chiens de Navarre qui est en résidence cette année à l'apostrophe, donc Les Armoires dormantes au mois de février. Alors bien évidemment, les amateurs peuvent tout à fait rajouter d'autres spectacles s'ils le souhaitent à ces propositions. Mais ces 3 propositions vont vraiment de pair avec l'inscription au cours d'art dramatique adulte. Voilà. Voilà, c'est avec l'enthousiasme d'Elsa que vous êtes invités tous à vous rendre au plus vite à l'apostrophe. Pour les adolescents, une date pour le premier cours ou le cours du mercredi 17 septembre, ça sera un cours de découverte. Donc l'occasion, Élodie Segui, de convaincre de nouveaux participants à cet atelier d'art dramatique pour adolescents. Tout à fait, et de se rencontrer, voilà. Il est temps pour nous de refermer les pages de cette émission, non sans vous remercier les uns et les autres. Tout d'abord, pour toute information et pour toute réservation concernant les spectacles et les actions culturelles dont il a été question au cours de cette émission, je vous invite à composer le 01 34 20 14 deux fois, 01 34 20 14 14, ou bien en allant sur Internet, en visitant le site Internet de l'apostrophe, à l'adresse suivante, le www.l'apostrophe.net, l'apostrophe.net. Remerciements évidemment à tous nos invités, Olivier Couder, Élodie Segui, Elsa Jourdain, Gaëlle Jacqueline, ainsi que Jean-François Sivadier, qui est intervenu par insert téléphonique au cours de cette émission début. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Il est dans l'ombre, mais sur un coup de projecteur, ça ne fait pas défaut. Remerciements à celui qui est dans le bocal, Damien Gissa, qui a réalisé avec brio cette émission animée par votre serviteur et animateur José Guérin sera rediffusée samedi 13 septembre de 9 à 10 heures sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur internet au www.radio-rgb.net, puis ensuite disponible en podcast sur le site de la radio. Pour le prochain numéro de l'apostrophe l'émission, rendez-vous est pris pour vous et nous le mercredi 8 octobre de 19 à 20 heures. Au plaisir de vous retrouver à l'apostrophe, à Cergy-Pontoise, mais aussi sur RGB, sur le 99.2 FM. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt.